mwen t'aprele Lume di soti nan domi Apréhension envahi A l'idée de te perdre Malgré me réveiller Réaliser c'est ton cauchemar L'idée tellement réelle Mais t'es perturbé Mwen ou talè Ou kwen te fèm pal chèche ou Se kon sa opportuniste Enfite nan vi Monopolize A kabare ou korea Men mwen se yon koshman Son sa boulevesse C'est ça qui l'a suivi, c'est ça qui l'a suivi.